va vite, tout défile. Je suis dans le vide, sur le fil, sans trop savoir la dose de chaque ingrédient. Trop de piquant, cherche le liant. Sur tous les toits, répète 100 fois, autant de fois qu'il le faudra.